Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans son livre Al-Aqidatu Ahl-Sunnati wal-Jama'a, il explique donc les piliers de la foi. Et on a presque terminé. Alhamdulillah, on est rendu au dernier des piliers et à la fin du chapitre qui parle de Al-Iman ou Bil-Qadar. Donc, Alhamdulillah, c'était un livre vraiment intéressant, vraiment bénéfique. On a vu à travers le livre toutes sortes de choses vraiment importantes pour comprendre donc notre Aqida. Et pour terminer, donc aujourd'hui, c'est le cours 98. On va, Inch'Allah, terminer le chapitre sur Al-Iman ou Bil-Qadar. Et le Cheikh, il dit ici, il dit, وَنَقُولُ أَيْضًا نَقُولُ لَهُ أَيْضًا نَرَاكَ إِذَا أُصِبْتَ بِمَرَضٍ جِسْمِيٍ طَرَقْتَ بَابَ كُلِّ طَبِيبٍ لِعِلَاجِكَ وَصَبَرْتَ عَلَى مَا يَنَالُكَ مِنْ أَلَمٍ عَمَلِيَّةِ الْجِرَاحَةِ وَعَلَى مَرَارَةِ الدَّوَاءِ فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, il continue son discours ou bien son argumentation contre les gens de bid'a parmi les Jabriya et ceux qui essaient d'utiliser comme argument pour justifier leur péché, hein, il parle du qadar pour essayer de justifier leur péché. Donc le Cheikh, il dit, on lui dit également, on voit que lorsque tu es pris par une maladie dans ton corps, tu vas frapper à tous les portes de tous les médecins pour demander un remède. Hein? Quand tu es malade, tu vas frapper à la porte de tous les médecins pour demander, hein, un remède. Et tu vas endurer également tous les traitements nécessaires. Si par exemple, on te dit, oui, tu as tel ou tel problème, mais il faut faire une chirurgie pour enlever ce problème-là. Tu vas endurer les chirurgies, hein? Et tu vas endurer les médicaments que le médecin va te prescrire. Et des fois, c'est des médicaments qui sont très mauvais, à leur goût sont mauvais, et même parfois, c'est des médicaments qui ont des effets secondaires, hein? Mais malgré ça, tu endures ça. Et tu le prends quand même. Hein? Donc, tu imagines? Tu imagines tout ça, qu'est-ce que tu endures pour te guérir d'une maladie que tu as? Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu ne vas pas endurer et faire les mêmes sacrifices et les mêmes efforts lorsqu'il s'agit de te guérir d'une maladie de ton cœur qui est reliée au péché? Hein? Quand c'est les péchés, ce n'est pas la même chose. Tu dis, ah, mais ça, c'est le qadar. Mais quand tu es malade, tu ne dis pas, ah, ça c'est le qadar. Hein, tu cherches par tous les moyens à faire les efforts pour te guérir de cette maladie-là. Donc pourquoi tu ne fais pas tous les efforts également quand c'est une question qui a rapport avec, hein, ta foi et ta religion, de faire tous les efforts nécessaires pour essayer de te guérir de tes péchés, de cette maladie de ton cœur. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, pour expliquer ce point-là, هذا وجه جيد فهؤلاء المطرفون إذا أصيب أحدهم بالزكام مثلا تجد أنه ترتعش جلوده خوفا من الموت ويطلب كل طبيب ليداويه من هذا المرض لكن مرض القلب لا يبالي به فمرض القلب الذي أظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به ولا يذهب إلى عالم يقول علمني كيف أصلي كيف أزكي كيف أصوم ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا ولهذا كان بعض السلف إذا لقي أخاه يقول يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نتذاكر أمر الآخرة أمر الجزاء أمر الأعمال هل نحن مفرطون هل نحن مستقيمون وما أشبه ذلك تجده ولا يحاول هذا أبدا ولكن من أمراض الأجسام يكون كالبرق في السبق إليه يطلب كل طبيب من أجل أن يعالجه وينظر ما فيه. Donc le cheikh il explique et il dit donc que ça c'est un point qui est bon que le cheikh il mentionne ici. Il dit si un d'entre ces gens-là parmi les extrémistes ils sont frappés par une grippe, hein, ils sont frappés par une grippe par exemple. Il dit tu vois que yani il commence à avoir la chair de poule par peur de mourir. Et il dit, tu vois qu'il va essayer de chercher tous les médecins qu'il peut trouver pour essayer de le guérir de cette maladie-là. Mais les maladies de son cœur, ça ne lui dérange pas. Hein? Il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort pour guérir de son cœur des maladies du péché qui ont assombri son cœur. Hein? Les péchés, les désobéissances qu'il fait, il ne donne à ça aucune importance. Il dit, le cheikh, il ne va pas aller voir un savant pour lui poser la question, comment je dois faire la salat, comment je peux faire la zakat, comment je peux faire le jeûne. Il ne va pas aller voir un homme parmi les adorateurs, les gens qui font beaucoup d'adoration, pour lui dire, hein, assieds-toi avec moi, on va s'asseoir un moment, on va se rappeler des choses qui vont adoucir notre cœur, qui vont nous donner de l'humilité envers Allah, et ainsi de suite. Comme le faisaient certains parmi les salafs, lorsque l'un d'entre eux rencontrait un autre, il lui disait « Ta'al bina nu'min sa'a, nu'min sa'a ». Hein, si tu traduis ça littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Viens, on va s'asseoir, on va croire pendant une heure ». Qu'est-ce qu'il veut dire par « on va croire pendant une heure » ou « on va avoir la foi pendant une heure » C'est pas pour dire qu'ils n'ont pas la foi avant, mais quand il dit on va s'asseoir, on va croire pendant une heure, c'est-à-dire que pendant une heure, on va se rappeler des choses qui ont rapport avec la foi pour augmenter notre iman, pour justement augmenter notre foi et parler de qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà, parler de qu'est-ce qui a rapport avec la récompense, les bonnes œuvres et tout ce qui nous attend dans l'au-delà. Donc il dit on va parler, on va dire est-ce qu'on n'est pas dans le laxisme ou dans le manquement. Est-ce qu'on est sur la droiture? Hein? On se fait des comptes à nous-mêmes. Ça, c'est une bonne chose à faire. Et ça, on devrait le faire plus souvent. Hein? De s'asseoir, par exemple, tu t'assois avec un frère que tu connais, qui est un frère de bien, un frère que tu aimes en Allah, et tu dis, « Ahri, on va s'asseoir 10 minutes, 15 minutes. » On va parler d'Allah, on va parler du Coran, on va parler de Jannah, on va parler de l'enfer, on va parler de notre foi. Yani, c'est une chose qui va yani, te faire du bien, qui va augmenter ton iman, qui va te faire un effet positif sur ta foi et ta religion. Donc ça, c'est des bonnes choses que nos salafs faisaient. Nous, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, pourquoi? Pour faire des blagues, pour discuter, pour rire, pour faire des, hein, pour s'amuser, hein, pour relaxer. Mais on pense pas à s'asseoir juste quelques instants juste pour parler de la foi, pour essayer d'augmenter notre foi, pour se rappeler de notre sort, qu'est-ce qui nous attend, comment on est loin de qu'est-ce que Allah il espère de nous, qu'est-ce qu'il veut de nous dans notre religion et ainsi de suite. Pour nous encourager à devenir meilleurs. Donc il dit, les gens, ce style de personne, hein, ils ne font pas d'efforts dans ces aspects-là de la religion. Mais si c'est des maladies physiques, hein, des problèmes qu'il a, une grippe ou une maladie qu'il a quelconque, comme on voit maintenant qu'est-ce que les gens ils ont peur par rapport au virus qui court là, hein. Donc là, les gens, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'empêcher le virus de les toucher ou de les atteindre. Ils vont faire des quarantaines, ils vont empêcher les... Hein, ils vont yani, empêcher les gens de circuler dans certains endroits ou de hein? Yani, subhanallah, tout ça pour un virus, yani. Alors imagine qu'est-ce que si c'est quelque chose qui a rapport avec la foi, c'est beaucoup plus grave que le virus, beaucoup plus important que le virus, mais on donne pas à ça d'importance. C'est comme les ulama de Ahl-Sunna, ils disaient aujourd'hui, yani, s'il y a une personne que tu dis, ah lui, il a un virus avec lui, tout le monde va avoir peur. Tout le monde va s'éloigner de lui. Hein? Tout le monde va vouloir yani, peut-être même courir yani, quand il le voit. Le fuir, hein, pour éviter qu'ils soient d'être infectés. Mais s'il voit, par exemple, un innovateur ou quelqu'un qui appelle à l'égarement ou qui appelle à la bid'a ou des choses comme ça, et ça, c'est beaucoup plus dangereux que le virus, mais il lui donne le salam, il lui serre la main, il s'assoit avec lui, il mange avec lui, hein, il rigole avec lui, et peut-être que il lui donne, yani, cet innovateur-là va lui propager certaines de ses idées et de ses ambiguïtés, de ses égarements, et lui, il absorbe ça, hein, et il devient infecté. Et il le propage avec lui aux autres. Et il ne réalise pas qu'il est en train de propager l'égarement qui est beaucoup plus dangereux que le virus, parce que cet égarement-là, ça va l'amener dans l'enfer. Tandis que le virus, si tu meurs avec, mais que tu es mu'min, yani, tu vas au paradis. Hein, à la limite, tu vas au paradis. Mais si tu meurs avec l'égarement, la bid'a, le shirk ou le kofr, yani, ça c'est beaucoup plus dangereux. Hein? Donc on oublie ça, ces choses-là. Yani. Et le cheikh, il dit, hein, et c'est pour ça, en passant, que les salafs, ils nous ont avertis de ne pas fréquenter les mubtadi'a, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas leur donner le salam, de ne pas leur serrer la main, de ne pas les fréquenter, de ne pas être avec les gens de bid'a, justement pour se préserver, hein? Pour se préserver de leurs égarements. Et ils ont dit, même yani, s'ils veulent te parler de leurs bid'a, tu ne les écoutes pas. Et même, il y en a certains des salafs, quand un innovateur est venu leur parler, il leur a dit, on veut te lire un hadith. Et les salafs, ils disaient, on veut même pas lire un hadith avec toi. Hein? On veut lire un verset de Coran. Il a dit, non, je veux même pas lire un verset de Coran avec toi. Même pas un mot. Il dit même pas, voilà, nisf kalima. Il dit même pas la moitié d'un mot. Je veux rien entendre de toi. Hein? Et même certains d'entre eux, ils disaient yani, à leurs enfants, ils disaient, mets tes doigts dans tes oreilles pour pas entendre qu'est-ce que lui, il dit. Hein? Pas parce qu'ils ont peur nécessairement de cette personne-là en tant que telle, mais ils ont peur de l'égarement et que les choubouhat entrent dans leur cœur, puis que ce soit pour eux une cause par la suite pour s'égarer. Parce qu'ils disaient, yani, nos salafs, ils disaient, si cet égarement-là, elle rentre dans ton cœur, hein, et que tu ne sais pas comment par la suite la réfuter comme il faut, eh bien, ça risque de rester et de corrompre ta croyance à cause de ça. Hein? Donc, toi, tu pensais que tu étais à la hauteur, tu pensais que tu étais fort, tu pensais que tu étais capable d'affronter, hein, les innovations. Tu dis, ah, yani, moi, j'ai étudié l'aqidah, je connais le tawhid, je connais l'aqidah, je connais la sunna. J'ai pas peur des gens de bid'a, je vais aller débattre avec eux. Et il y en a des jeunes, malheureusement, c'est comme ça. Il a lu 2-3 livres, il a écouté 2-3 cours, il pense que là, il est comme Ibn Taymiyyah, il rentre dans les forums, il rentre dans les sites, il rentre dans Facebook, et puis il commence à vouloir débattre tout le monde. Et là, il veut les réfuter à toutes les choubouhal. Et il ne connaît même pas lui-même la moitié de ces choses-là. Alors là, il est comme on dit, hein, il est dépassé par la situation, il ne sait plus quoi faire. Alors là, il appelle tout le monde. Il appelle les toulab al-ilm, les shuyukh et tout le monde. Oh mon frère, comment on fait pour répondre à ça? Comment on fait pour répondre à ça? Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un dit ça? Mais qui t'a dit d'aller là? qui t'a dit de rentrer là-dedans? T'étais en sécurité, t'étais en paix, mais tu t'es jeté, comme on dit, dans la gueule du loup. Maintenant, tu veux savoir comment faire pour te protéger, comment t'en sortir. Préserve-toi, éloigne-toi de ça, hein? Et rentre pas dans la fitna alors que t'es à l'abri, hein? Donc tout ça, c'est des leçons pour nous. Après, le cheikh, il dit « Wa ala kulli hal ». Donc il dit, donc c'est ça, s'il a une maladie physique, il va courir, il va aller voir tous les médecins pour chercher une guérison. Et il dit « Wa ala kulli hal, ha inna haula alladhina yahtajuna bil qadr ala al-ma'asi, law khatabtahum fi masail al-dunya la wajadtahum » لا يستدلون بالقدر ولا كأنه شيء مقدور فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي فأصبح العاصي لا حجة له في معصيته بقدر الله عز وجل ولهذا لا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر فالشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر بل يساعد أحدهما الآخر والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم أي مكتوم عن الخلق لا يعلمونه إذ لا يعلم ما في غد إلا الله قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولما قالت الجارية مع يعني جوار يغنين و يندبن في من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد يعني نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وقال لا تقولي هكذا ولكن قولي ما كنت تفعلين ما كنت تقولين أما هكذا فلا فغلق عنها باب الشر وفتح لها باب المباح فلم يقل لها لا تتكلمي أبدا بل بين الممنوع ثم بين الجائز وهذه طريقة القرآن والسنة. Donc ici le cheikh il explique que يعني les gens qui ont la fitna par rapport au qadar et qui essaient d'utiliser le qadar comme une excuse pour justifier leur péché, il dit si tu leur parles des questions qui ont rapport avec la dunya, tu vas voir qu'ils n'utilisent pas le qadar pour ça. Hein? Tu leur dis par exemple, ben écoute, tu penses que tu justifies le qadar pour tes, quand c'est question de tes péchés, tu utilises le qadar pour te justifier. Tu dis, ah mais ça c'est le qadar, Allah il a prédestiné que je ne fais pas la prière, donc je ne fais pas la prière. Ou bien tu dis, c'est le qadar, Allah il a prédestiné que je vends du porc pour gagner ma vie. Donc ça c'est le qadar. Ça c'est des arguments faux. T'as, tu ne peux pas justifier tes péchés en utilisant le qadar. Hein? Allah il a prédestiné que je devais venir dans les pays de Kufr pour trouver mon risque. Il y a un musulman, il m'a dit ça une fois. Il m'a dit, mon risque, Allah il m'a écrit mon risque ici. Il a dit, peu importe où tu vas, Allah il t'a écrit ton risque. Pourquoi tu justifies ça? Hein? C'est comme quelqu'un, yani, il vend de la drogue et dit ça c'est mon risque. Yani, Allah al-musta'an, Allah il t'a ordonné de chercher ton risque dans qu'est-ce qui est halal. Si tu trouves un risque qui est haram, hein, ça veut pas dire que c'est licite pour toi. Et donc ton risque, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a écrit. Au moment que, avant même que tu sois né, ton risque il est déjà écrit. Tu vas pas avoir un centime de plus, un centime de moins. Tout ce que tu dois gagner dans toute ton existence, c'est déjà écrit pour toi. Et donc, une fois je disais ça à quelqu'un, puis la personne m'a dit, ah mais à cause de ces idées-là, les gens, ils font pas d'efforts, ils restent assis. Ils disent, ah ça vaut pas la peine de travailler dans ce cas-là, puisque mon risque il est écrit, même si je fais rien, je vais pas l'avoir. Hein, je vais l'avoir, même si je reste assis. Barakallahu fik. Donc, c'est ça, mais c'est de l'ignorance, parce que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand les Sahaba lui ont posé la question, est-ce qu'on ne doit pas rester assis puis attendre si tout est écrit comme ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Il a dit, faites les œuvres, parce que chacun sera facilité pour ce qui a été écrit pour lui. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas dit aux gens, restez assis puis attendez le qadar. Non. Faites les efforts, faites les causes nécessaires et mettez votre confiance en Allah. Allah va vous donner. Hein? Et ça, c'est sunnatullah fi khalqihi. Si tu fais les efforts, tu vas récolter le résultat de ce que tu as fait comme effort. Mais par contre, c'est possible parfois que tu fasses des efforts, mais que tu n'aies pas la réussite ou le succès dans ce que tu as voulu faire. Hein? C'est la preuve que parfois tu peux faire quelque chose. Allah, il te donne le tawfiq. Allah, parfois, il ne te donne pas le tawfiq. Mais tu sais à la fin que tu as mis ta confiance en Allah, mais le résultat et la conséquence, c'est entre les mains d'Allah seulement. Hein? Et ça, c'est un exemple de l'importance de croire au qadar. Quelqu'un, par exemple, il fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat. Puis à la fin, il échoue. Hein? Tandis qu'un autre, il fait moins d'efforts, il travaille moins, puis après, Allah lui donne la baraka, il lui donne la réussite. Et tout ça, c'est le qadar. Mais à la fin, tu es satisfait parce que tu sais que tout ce qui arrive, c'est uniquement selon ce que Allah a prédestiné. Et donc, le cheikh, il dit, si par exemple, quelqu'un, il utilise le qadar pour justifier ses péchés, quand c'est les questions de la dunya, il n'utilise pas cet argument-là. Il ne va pas dire, je vais rester à la maison aujourd'hui, je ne vais pas rentrer travailler. Et puis, malgré tout, mon patron, il va me donner mon salaire. Non, tu sais très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, si c'est le cas, pourquoi tu n'utilises pas cette même compréhension dans les affaires qui ont rapport avec ton cœur et avec la foi et avec les péchés? Et il dit, le cheikh, il dit, la personne qui fait des péchés, elle n'a pas d'argument pour justifier son péché en utilisant le qadar. Et il dit, il n'est pas permis même. Ouais, où tu vas, Harry? Ah, ok, je comprends. Donc, il dit, tu ne dois pas faire frapper l'un contre l'autre. Le qadar et le shara. Al qadar wa shara. Et les gens de l'égarement, c'est ça ce qu'ils font. Ils frappent le char et le qadar les uns contre les autres, hein, l'un contre l'autre. Et donc le cheikh il dit, لا يجوز أبدا أن نصادم الشرع بالقدر. On n'a pas le droit de faire frapper ou de faire une collision entre la révélation et la législation, qu'est-ce que Allah nous a ordonné, et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Parce que les deux, c'est qui? C'est Allah qui les a, hein, qui les a ordonnés. C'est Allah qui a prédestiné la prédestination, et tout ce qui arrive dans la création, c'est lui qui l'a prédestiné. Et c'est lui qui a révélé le livre aux messagers pour ordonner aux créatures qu'est-ce qu'ils doivent faire, et pour leur interdire qu'est-ce qui est interdit. Les deux viennent d'Allah. Le qadar vient d'Allah, et le shara vient d'Allah. Tu ne peux pas frapper l'un contre l'autre. Hein? Et tu ne peux pas utiliser le qadar comme un argument pour contredire le shara. Hein? C'est ça que le cheikh il explique ici. Donc il dit, les deux, il dit, afa shar'u wal qadaru kilahuma sinwan. Hein? Les deux vont ensemble. Donc un ne dément pas l'autre et un ne doit pas être utilisé pour contredire l'autre. Donc il dit, au contraire, ils doivent s'aider les uns les autres. C'est-à-dire le qadar, hein, doit être utilisé pour s'aider dans le shar' et le shar' doit être utilisé pour s'aider dans vis-à-vis du qadar. Et il dit, certains parmi les ulama ont dit que le qadar, la prédestination, c'est un mystère caché. C'est un mystère caché. Ay maktoumun anil khalq. C'est un mystère caché vis-à-vis de la créature. Il n'y a personne qui le connaît. Il n'y a personne qui sait ce qui va arriver demain, excepté Allah. Donc, en réalité, vis ta vie, hein, vis ta vie et fais ce que Allah t'ordonne et fais les efforts et purifie tes intentions. Le reste, remets-toi-en à Allah. Le reste, remets-toi-en à Allah et mets ta confiance en Allah. Parce que, le qadar, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas si demain il y a un bien qui va te toucher ou s'il y a un mal qui va te toucher, s'il y a une bonne chose qui va t'arriver ou s'il n'y a pas une mauvaise chose qui va t'arriver. Mais tu fais ce que Allah t'ordonne et tu mets en Allah ta confiance et tu as espoir en lui. Et tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafurun, Rahimun, qu'il est Karimun. Hein, il est généreux, il est miséricordieux, il est doux, il est juste. Donc, tu sais qu'il ne va pas te faire rien qui... il ne va pas te faire rien excepté ce qui est bon et ce que tu mérites. Donc, mets ta confiance en Allah et pense du bien d'Allah. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ana inda dhanni abdi bi » Ana inda dhanni abdi bi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis selon la pensée que mon serviteur a de moi. Hein? C'est-à-dire que si tu penses du bien d'Allah, Allah va te faire du bien. Hein? Mais si tu penses du mal d'Allah et tu as des pensées négatives à propos d'Allah, eh bien c'est là que du mal va t'arriver. Donc pense à Allah avec des bonnes pensées et aie des bonnes pensées, sois optimiste, des bonnes opinions à propos d'Allah et sois, comme on dit, optimiste et pense du bien, anticipe le bien d'Allah et Allah va faire en sorte que le bien te touche. Et il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Et il dit, et c'est pour ça qu'il y a des jeunes filles le cheikh dit, c'était soit une bataille qu'il y a eu à Badr ou à Uhud, et les jeunes filles, elles chantaient des chansons, je pense que c'était le jour d'un mariage ou un jour d'Aïd, elles parlaient, elles faisaient cette chanson-là. Puis dans les paroles qu'elles disaient, elle disait, « Wafina rasoulun ya'lamu ma fi ghadi. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a corrigé. Il lui a dit, parce que, qu'est-ce que ça veut dire, « Fina rasoulun ya'lamu ma fi ghadi » Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a parmi nous un messager qui sait ce qu'il y a demain. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il l'a corrigé. Il a dit, « Non, ne dis pas ça. Dis ce que tu disais avant, mais dis pas ça. » Parce qu'il n'y a personne qui sait ce qui va arriver demain, excepté Allah. Hein, subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète, quand il a entendu, et ça, c'est de façon générale, le prophète, quand il entendait quelque chose qui est faux, il le corrigeait direct. Il ne le laissait pas. Hein, il ne le laissait pas passer. Et même des petites filles, tu veux dire, ah, mais ça, c'est des petites filles, elles chantent, elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles disent. Même des petites filles comme ça, il les a corrigées quand elles disaient des choses pas correctes, qui sont contraires à notre aqidah. Hein? Donc, il dit wa amma hada fala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé cette porte qui est une porte vers le mal. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens de bid'a, comme les soufis, qui croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait le raïb et qu'il connaissait le raïb et qu'il sait qu'est-ce qu'il allait avoir dans l'avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé certaines connaissances du raïb par révélation. Mais il n'avait pas la connaissance de tout le raïb. Et même qu'Allah, il le dit dans le Coran. قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ dans un verset, il dit وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Et si je savais le raïb, j'aurais ramené beaucoup de bien vers moi et aucun mal ne m'aurait touché. Mais on a vu dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam que à plusieurs reprises, il y a des choses qui lui sont arrivées, qui étaient des choses qui lui ont fait des choses qui lui ont fait mal ou qui lui ont fait du tort, ou qu'il a été blessé, même à certaines occasions, il a été empoisonné à une autre occasion, il a été empoisonné. quand une femme juive lui a amené de la nourriture qui avait du poison dedans, il a été empoisonné. S'il connaissait le raib, il n'aurait pas mangé. Hein? Lors de la bataille de Uhud, hein, s'il savait qu'est-ce qui allait arriver, il aurait évité de se faire blesser par ses ennemis, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est la preuve qu'il ne connaissait pas le raib. Mais il connaît, par exemple, certaines choses à propos de l'avenir que Allah lui a révélées, et quand il y a un bienfait pour les croyants dans le fait de connaître ces choses-là, il le révèle à son messager. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Sourate al-Jinn, hein, à la fin dans Sourate al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît le ghaib, il ne dévoile son ghaib à personne. La connaissance de l'inconnu, de l'invisible, de l'avenir, hein, de qu'est-ce qui est caché, c'est seulement Allah qui le connaît. Et il dit, il ne dévoile son ghaib à personne. Illa man irtada min rasul. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça dit, sauf à celui qu'il a agréé comme messager. C'est-à-dire, il peut lui révéler certaines choses, hein, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Donc, ça veut dire que, il transmet à certains messagers des choses par rapport à l'avenir. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui connaît tout le raib. Mais le raib qui est connu par le messager, c'est uniquement certaines connaissances par rapport au raib. D'accord? Donc, les ulama, ils ont dit, si quelqu'un attribue la connaissance du raib à quelqu'un d'autre que Allah, ça c'est du shirk. C'est du shirk majeur, c'est du kufr. D'accord? Parce que Allah... Personne ne partage ses attributs divins. Et si quelqu'un attribue à quelqu'un parmi les créatures une attribut d'Allah, alors il a fait du shirk dans les attributs. Hein? Donc ça, c'est très, très grave. Ensuite, le cheikh, il dit... Naam. Donc, chaque fois qu'il voyait quelque chose qui n'était pas correct, il l'interdisait et il clarifiait ce qui est permis. Donc, quand il interdit quelque chose, il clarifie également en même temps ce qui est correct et ce qui est permis. Donc, il a dit à la jeune fille, ne dis pas que le messager sait qu'est-ce qu'il y a demain. Mais il dit, mais tu peux dire les autres choses que tu disais avant. Donc, il lui a expliqué qu'est-ce qui était permis. Et ça, c'est la voie du Coran et de la Sunna. Il dit ensuite, وَإِذَا ذَكَرَ الْمَمْنُوعَ ذَكَرَ الْمُبَاحِ لِأَنَّا يَنْسَدَّ الطَّرِيقَ أَمَامَ الْإِنسَانِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا قِيلَ لَهُ لا تفعل كذا من أول الأمر تضيق عليه نفسه والدليل من القرآن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc ici le cheikh explique que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم nous mentionne quelque chose qui est interdit, eh bien il nous mentionne également ce qui est permis, pour pas que toutes les portes se ferment devant la personne. Parce qu'on sait très bien que si tu dis à quelqu'un ne fais pas ça, hein, ça va être peut-être difficile pour la personne d'accepter ça. Hein? Et la preuve dans le Coran à ce sujet-là, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah il a rendu halal le commerce, al-bay'a, mais il a interdit le riba. Donc c'est pour dire que parce que les juifs, il y en a des juifs qui disaient al-bay' mithl al-riba. Le commerce, c'est la même chose que le riba. Pourquoi? Parce qu'ils font du profit, ils voient que le profit et l'intérêt, c'est la même chose. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réfutés en disant non, Allah il a permis le commerce, mais il a interdit le riba. Donc le profit, c'est permis, mais le riba, c'est interdit. Et également le verset فَلَا تَقُولُ رَاعِنَا وَقُولُ انظُرْنَا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit aux sahabas de dire ra'ina, mais il leur a donné une alternative, c'est de dire unzurna au lieu de dire ra'ina. Pourquoi? Parce que ra'ina, c'est une parole que les juifs disaient Et il l'utilisait en même temps pour insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans leur langue, Ra'ina voulait dire quelque chose de différent qu'en arabe. Donc quand les sahaba disaient Ra'ina, eh bien, les sahaba, eux, leur signification, c'était quelque chose de bien. C'est, en arabe, ça voulait dire, yani, regarde-nous, fais attention à nous, ou bien, hein, comme si quand ils veulent dire quelque chose, ils disent au prophète, Ra'ina, yani, regarde-nous, ou yani, tourne-toi vers nous, ou bien fais attention, on veut te dire quelque chose. Tandis que les juifs, eux, ils disaient le même mot, mais dans leur langue, pour insulter. Hein? Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, hein, justement, ne dites pas Ra'ina, parce que ça devient une parole ambiguë, qui peut avoir plusieurs sens, et d'autres qui l'utilisent pour insulter. Alors dites à la place, Unzurna, regarde-nous. Et ça a une signification qui est claire, et qui n'a pas d'ambiguïté dedans. Donc ça veut dire que on n'a pas le droit d'utiliser des termes ou d'employer des termes qui ont double sens. Comme des gens qui parlent avec un double langage. Des fois, on dit, ah, lui, il a un double langage. Un double discours. C'est ça. Des choses comme ça, c'est pas permis pour les musulmans de parler de cette façon. Et après, le cheikh, il dit, wa min as-sunnati qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la taqulu ma sha Allahu wa shi'ta, walakin qulu ma sha Allahu wahdahu, wa qawluhu alayhi as-salatu wa as-salam, bi'i at-tamr bid-dirahim. ثم اشتري بالدراهم حب يعني حبيب جنيبا أي تمرا طيبا نعم وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداءة والجودة فأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباح ومنعهم من المحرم. Donc ici le cheikh il donne d'autres exemples. Il dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt le prophète صلى الله عليه وسلم, il a interdit de dire ma sha Allahu wa shi'ta. Mais il leur a expliqué l'alternative, c'est de dire, hein, de dire ma sha Allahu wahdahu. Hein? Donc ma sha Allahu wa shi'ta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire yani, ce que Allah a voulu et toi. Tandis que, yani, il leur a dit, ne dites pas ce que Allah a voulu et moi, mais dites plutôt ce que Allah a voulu lui seul. Et dans l'autre hadith, il a dit, vendez les dattes pour de l'argent, puis achetez avec l'argent des bonnes dattes. C'est-à-dire que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Comme par exemple, s'ils voulaient, ils avaient des dattes anciennes ou qui étaient plus vieilles, puis ils voulaient acheter des dattes fraîches. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait avec, par exemple, deux boîtes de dattes anciennes, puis il les échangeait pour une boîte de dattes neuves, ou fraîches, ou qui sont plus bonnes, de meilleure qualité. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça, c'est du riba. Vous devez vendre vos vieilles dattes, prendre l'argent et acheter les bonnes dattes avec. Pour la quantité que, ou pour la somme que ça va vous donner dans la somme que ça va vous donner pour cette quantité de dattes-là, pour la qualité, selon la qualité, mais pas faire du troc direct dans ces six types de choses que le prophète a mentionné. Et parmi ces types-là, il a mentionné les dattes. Donc, il a mentionné les dattes, il a mentionné l'or, il a mentionné l'argent, il a mentionné le sel. Et il a mentionné aussi quelques céréales, des grains ou quelque chose comme ça. Il a dit que dans ces catégories-là, il ne faut pas qu'il y ait de différence. Il faut que ce soit équivalent à la quantité et la qualité. Tout ça pour dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit quelque chose, il nous mentionne souvent quelque chose de permis, hein, en alternative. Après le cheikh il dit ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا لأنه صادر من رحمة وحكمة Donc ici, il dit, le Cheikh Ibn Uthaymeen, et nous croyons que le mal ne doit pas être attribué à Allah à cause de sa miséricorde et sa sagesse parfaite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le dua, « وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ » C'est-à-dire, « Et le mal n'est pas attribué à toi. » Et c'est rapporté par l'imam muslim. Donc, dans, même dans le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un mal dedans, un mal complet ou pur à 100%. Pourquoi? Parce que c'est un mal qui, c'est parce que c'est quelque chose qui est décrété par Allah selon sa sagesse et sa miséricorde. Et le cheikh, il explique maintenant ce passage-là. Il dit: فَلَا يُقَالُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُ لِكَمَالِ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ. Donc on dit par exemple بِيَدِهِ الْخَيْرُ, hein? C'est le bien est entre sa main. On ne dit pas le bien et le mal est entre sa main. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par respect, hein, on ne va pas mentionner le mal comme venant de lui. On ne lui attribue pas le mal à cause de sa parfaite sagesse et sa parfaite miséricorde. Même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé et qu'il n'y a rien qui sort de sa création, mais yani, par respect pour Allah, on ne va pas mentionner, hein, le mal et l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Une des raisons pour ça aussi, comme le cheikh il va l'expliquer, c'est parce que le mal que Allah a décrété, même dans le mal que Allah a décrété, il y a du bien. Il n'y a pas un mal qui est pur. Naam. Donc le cheikh il explique et il dit: فَلَوْ قَالَ نُؤْمِنُ بِأَنَّ الشَّرَّ لَا يُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي كَمَالَ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ لكان أجود ولكن الإنسان عند التأليف قد يغيب عنه بعض الشيء وهنا نقول الشر لا ينسب إلى الله أبدا والدليل على ذلك من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لأن هذا ينافي كمال الرحمة والحكمة إذ إن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبدا والرحيم إنما يريد الخير وكذلك أيضا حكمته تأبى أن يريد الشر لأنه جل وعلا حكيم وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفه الذي ليس فيه خير ولا شر فكيف بفعل الشر إذن هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله. Donc le cheikh il dit, parce que dans l'expression, dans le livre, Cheikh Ibn Uthaymeen, il avait dit, يعني, لا ينسب إلى الله, يعني, بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته والشر ليس إليك, hein? وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. Et ici le Cheikh il a dit, يعني, c'est lui-même qui l'a écrit, hein, le livre. Il explique le livre, mais en même temps, il se corrige dans le livre. C'est-à-dire, il dit, l'auteur, en parlant de lui-même, il dit, s'il avait écrit, et le mal ne doit pas être attribué à Allah, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ » Et ça vient en contradiction avec, hein, la miséricorde et la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, ça aurait été mieux. C'est-à-dire, d'inverser la formule. C'est-à-dire de mettre le hadith avant et d'expliquer après. Hein? Donc c'est comme s'il s'est corrigé lui-même. Rahimahullah. Il dit, mais l'être humain, des fois, quand il écrit quelque chose, des fois il oublie ou il y a des choses qui l'échappent. Hein? Donc c'est juste pour dire. Et après, il dit, ici nous disons en même temps que le mal ne doit pas être attribué à Allah. Et la preuve de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lui-même que le mal n'est pas attribué à Allah. Et également, si on regarde par rapport à ses attributs, on sait que la miséricorde et la sagesse prouvent que Allah ne peut pas, hein, on ne peut pas lui attribuer le mal. Pourquoi? Parce que celui qui est miséricordieux, c'est pas possible qu'il veuille le mal, puisque le miséricordieux ne veut que le bien. Et il dit de la même manière aussi, celui qui est sage, eh bien sa sagesse empêche qu'il puisse vouloir le mal, parce qu'il est sage, le plus sage, hein, Al-Hakim. Et donc il dit, si donc le fait d'être Hakim, ça contredit, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, As-Safa. As-Safa, ça veut dire quoi? Yani, quelque chose qui est la sottise, hein, ou le fait de faire quelque chose sans raison. Hein? Le fait d'agir de manière irréfléchie, ou sans que ce soit pour une sagesse. Donc si celui qui est sage, il ne va pas agir de manière irréfléchie, il ne va pas faire des choses sans raison, et ça implique que quelqu'un fasse quelque chose ni pour le bien ni pour le mal. Quand quelqu'un fait quelque chose sans raison, ça veut dire que c'est ni pour le bien ni pour le mal, parce qu'il agit pour agir, il fait les choses pour rien. Si ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire à propos d'Allah, hein? Et dans plusieurs versets, il explique, il dit, qu'il n'a pas créé les cieux et la terre pour divertissement ou par un jeu, ou bien en vain, hein? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Hein? Dans un autre verset, il dit, yani, la'ibin. Il dit la'ibin, hein, comme un jeu. On n'a pas créé les cieux et la terre comme pour un jeu. Ayahsabu l'insanu an yutraka sudan. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran. Donc, si Allah, on ne peut pas dire de lui qu'il n'a pas créé, on ne peut pas dire de lui qu'il a créé le monde ou qu'il a fait quelque chose sans raison. Alors que dire de dire qu'il fait quelque chose pour le mal? On ne peut pas dire ça. Et la preuve est comme ce qui est mentionné dans le hadith et également mentionné selon la yani, qu'est-ce qu'on a vu comme par rapport à ses attributs et à la signification de ces attributs-là. Donc on a dit الدليل الأثري الشر ليس إليك والدليل النظري يعني أن ذلك ينافي كمال الرحمة وكمال الحكمة. D'accord. Et on voit que dans la charia, yani, plusieurs des choses qui sont mentionnées, c'est toujours pour mentionner comme si on n'attribue pas le mal à Allah directement. Et l'exemple qu'il a mentionné, il dit وَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّرُّ فِي مَقْضِيَاتِهِ لِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَسَنُ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتِ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتِ. Même dans, par exemple, dans comment ça s'appelle, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق. Encore une fois, le mal, il n'est pas attribué directement à Allah. Il est attribué à ce qu'il a créé. من شر ما خلق. D'accord? Donc, ça, c'est ta'adduban ma Allah. Hein? Par respect et par une bonne manière, hein, vis-à-vis d'Allah. Et le cheikh, il va expliquer ça en plus de détails par la suite. Mais j'avais mal calculé, hein? Et puis je vois que le temps arrive maintenant, on n'a pas encore terminé le chapitre et on n'a pas fini. Donc ce sujet-là n'est pas terminé. On va le compléter, Inch'Allah, la semaine prochaine, au prochain cours. Donc on s'arrête ici, puis la semaine prochaine on le terminera parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de points à clarifier sur ce sujet-là. Puis on ne veut pas juste... passer par-dessus comme ça, on veut être sûr que tout est bien compris, Inch'Allah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.